l'humanité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et s'ils cherchent un responsable, dites-le, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduit là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. L'État touche des dividendes hein, en tant qu'actionnaire. Oui, tout à fait. L'État a touché cette année à peu près 173 millions d'euros de dividendes, mais ces dividendes fluctuent d'une année sur l'autre. Bon, ça fait quand même une grosse somme et on se dit que visiblement ADP n'est pas en crise avec ces chiffres que vous venez de nous citer. Alors pourquoi aller vers une privatisation ? Eh bien, peut-être il faut reprendre la philosophie globale de la partie sur laquelle je rapporte et dire que cette partie, elle porte sur la nouvelle politique industrielle de l'État et notamment le fait de dire on protège mieux nos brevets, on facilite l'émergence d'innovations de rupture, notamment dans l'intelligence artificielle ou les nanotechnologies. Et pour ça, on passe par la privatisation d'Aéroports de Paris, puisque l'État choisit de se retirer d'une entreprise qui va bien et qui a des moyens de financement pour investir dans des entreprises qui ont plus de difficultés à passer par les filières classiques de financement. Si nous voulons que Aéroports de Paris se développe à l'international, je pense que la concession est la meilleure façon pour garantir le développement de ce fleuron. Vous voulez d'abord renflouer les caisses asséchées de l'État, mais c'est du one shot, et c'est bien ça qui a été évoqué par les collègues ici qui se sont exprimés précédemment. Plutôt que de vendre et d'empocher un moindre chèque, nous préconisons de garder public pour continuer d'enregistrer les bénéfices ces entreprises florissantes. S'il n'y avait pas d'exemple dans le passé, on pourrait vous excusez et croire à l'inexpérience, mais il y a cet exemple rappelé à plusieurs reprises, il y a aussi quelques instants, de ces autoroutes, ces sociétés autoroutières qui se positionnent aujourd'hui sur les aéroports pour anticiper la future perte de leurs concessions autoroutières. Mais l'État est-il là pour pallier la perte des concessions dont beaucoup aujourd'hui contestent la pertinence de la privatisation ? Est-on obligé, Monsieur le ministre, de faire une erreur pour pallier la fin d'une autre erreur ? L'objet de cette conférence de presse, dans la diversité de ceux qui sont présents aujourd'hui, est de vous annoncer le lancement d'une initiative, de référendum d'initiative partagée, pour rendre les aéroports de Paris insusceptibles de privatisation. Il s'agit de demander aux Françaises et aux Français s'ils sont d'accord pour que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, et de Paris-Le Bourget, revêtent le caractère de service public national au sens de l'alinéa 9 du préambule de 1946, lequel commande qu'un service public national soit propriété de la collectivité. Vous savez que les conditions pour engager un référendum d'initiative populaire sont de plusieurs natures. Il faut d'initiative partagée sont de plusieurs natures, pardon. Sont de plusieurs natures. La première, c'est que le référendum ne doit pas porter sur l'objet d'une loi promulguée dans l'année qui lui précède. Il se trouve que la loi Pacte est en cours de débat et n'a pas fait l'objet de promulgation. Et puis, il y a ensuite des conditions qui doivent être réunies quant au soutien des parlementaires. À ce stade, il faut donc 185 signatures. Nous sommes bien au-delà. Il y a, à ce moment où je vous parle, 197 signatures des groupes démocrates et républicains, les groupes républicains, liberté et territoire, les non-inscrits, socialistes et apparentés pour l'Assemblée nationale, sans doute d'autres se joindront à la démarche, au Sénat, CRCE, et les républicains, RDSE, socialistes et apparentés, et UC, Union centriste. Nous sommes évidemment respectueux des procédures parlementaires et des outils démocratiques. Il est normal qu'ils soient utilisés par l'opposition, quand bien même elle est constituée des attelages les plus baroques, permettez-moi de le souligner ici. Il appartiendra ensuite au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité de cette proposition de référendum. Et c'est dans ce cadre-là que je serai amenée éventuellement à commenter plus avant les choses, mais c'est aujourd'hui un peu prématuré de le faire sur la procédure elle-même. Ma question ne s'adresse à aucun ministre. Ça n'est d'ailleurs pas une question, c'est une alerte. Françaises, Français, ça n'est pour l'instant qu'un murmure. Référendum. Un référendum sur les aéroports de Paris. Un référendum pour ne pas brader ce trésor à Vinci. Un référendum surtout sur l'avenir. L'avenir que nous refusons, l'avenir que nous désirons. Voilà l'arme, aujourd'hui, qui les effraie. Ils ont peur. Ils ont peur de votre portable, peur de votre tablette, peur de votre ordinateur, peur de vos signatures. D'emblée, d'ailleurs, le Premier ministre s'est étranglé. C'est une situation dangereuse. Cela pose un vrai et grave problème démocratique. Et il a bien raison, c'est la démocratie qui est en jeu. Pour lui, pour eux, la démocratie, c'est bien quand elle somnole dans cette assemblée. La démocratie, c'est quand ils répètent en boucle croissance, concurrence, compétitivité, mondialisation, déficit. La démocratie, c'est de voter une fois tous les 5 ans et ensuite circuler, braves gens. On dirige pour vous, on décide pour vous. Voilà la démocratie qu'ils apprécient. Pour nous, au contraire, la démocratie, c'est la reprise en main de notre destin commun. Et il faut bien commencer par un bout, même petit. Puisque le premier référendum d'initiative partagée, le premier de notre histoire, nous le permet, allons-y par le bitume des aéroports. Avant de passer à nos écoles, nos forêts, nos trains, nos maternités, nos tribunaux. Alors, ils vendent Charles de Gaulle, nous répondons « référendum ». Ils cassent nos urgences, nous répondons « référendum ». Ils ferment nos classes, nous répondons « référendum ». Ils polluent l'air, la terre, la mer, nous répondons « référendum ». Partout sur nos cahiers d'écoliers, sur les murs de nos villes, sur nos pages internet, nous écrivons ce nom « référendum ». C'est une frénésie qui doit saisir la France « référendum ». Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. L'État et ses entreprises publiques sont la propriété de ceux qui n'ont rien. Les privatiser, c'est organiser une spoliation de masse. Les Français sont majoritairement opposés aux privatisations, mais vous proposez de vendre les aéroports de Paris et la Française des Jeux. Rien ne le justifie. Sûrement pas la bonne gestion des deniers publics. Au contraire, privatiser, c'est appauvrir et démanteler l'État. Elles ne sont pas un poids financier, elles rapportent de l'argent. 4 milliards d'euros pour la Française des Jeux, 130 millions d'euros pour les aéroports de Paris. Et les aéroports sont une frontière de notre pays que vous voulez confier au pouvoir de l'argent. Comment croire que la sécurité ne sera pas supplantée par l'obsession de la rentabilité? Leur privatisation gaverait des actionnaires qui exploiteraient des biens entièrement financés par l'État, donc par nous tous. Les usagers payent généralement la cupidité des actionnaires par les hausses de prix et la dégradation de la qualité. Faut-il rappeler le fiasco de la vente des autoroutes? 20% d'augmentation des péages en moyenne. Et à quoi sert cet argent? À investir? À améliorer la qualité du service? La sécurité routière? Non. Les actionnaires se distribuent 95% des bénéfices, se construisent d'immenses richesses privées grâce à l'accaparement des biens publics avec la complicité des gouvernements. Suite à la vente de l'aéroport de Toulouse, conduite par Emmanuel Macron, alors ministre, le nouvel actionnaire a pillé la trésorerie par un dividende exceptionnel. Les différentes privatisations de ces 30 dernières années ont été de vrais scandales. L'opacité ne peut plus être la règle. Le patrimoine public appartient à toutes et tous. Aussi, voici ma question. Acceptez-vous de geler toute privatisation tant que nous n'aurons pas un bilan détaillé et global des ventes précédentes? Quel doit être le périmètre de l'État? Voulez-vous un État stratège, puissant, garant de l'intérêt général et capable d'affronter les multiples défis de notre époque? Ou un État rabougri, fantoche, soumis aux intérêts privés? Pour être signataire du texte, il faut être inscrit sur les listes électorales. Sur le site du ministère de l'Intérieur, la vérification est automatique. L'électeur doit inscrire son état civil, indiquer son numéro de carte d'identité ou de passeport et renseigner son adresse postale. Comment l'État s'assure-t-il de l'authenticité des soutiens? Après l'enregistrement, un soutien doit être validé par le ministère de l'Intérieur dans un délai de 5 jours. Le bureau des élections à Beauvau se chargera de s'assurer de son authenticité à partir des éléments d'identité transmis. Peut-on revenir sur sa signature avant la fin de la collecte? Non, selon la loi, aucun soutien ne peut être retiré. Si le seuil des 4,7 millions est atteint, un référendum sera-t-il organisé? L'approbation des 10% du corps électoral n'entraîne pas nécessairement un RIP. L'Assemblée et le Sénat auront 10 mois pour décider d'examiner ou non la proposition de loi qui fait l'objet de ce référendum d'initiative partagée. À partir d'aujourd'hui, la collecte des signatures durera 9 mois. À peine lancée, des bugs sont déjà signalés sur les réseaux sociaux. Un compte Twitter Aide Référendum a même été créé pour permettre aux internautes d'aller au bout du formulaire. La version papier, à remettre au consulat ou à un agent de votre commune, existe également. C'est une première, le Conseil constitutionnel autorise la proposition de loi référendaire signée par 250 parlementaires. De la France insoumise aux Républicains, soutenus par le Rassemblement national, les députés et sénateurs s'étaient unis contre le projet de privatisation du groupe Aéroport de Paris. Moi, je ne veux pas parler de victoire, je veux parler de satisfaction. On va pouvoir consulter les Français sur l'opportunité de privatiser ou non Aéroport de Paris. Je pense que c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Maintenant, il faut se mobiliser pour qu'il y ait les 4 700 000 signatures. Pour ces parlementaires, il faut encore recueillir en 9 mois l'approbation par voie électronique de 10% du corps électoral. Avec toutes les forces d'opposition, je dis bien toutes les forces d'opposition, si on se mobilise tous correctement, je pense que c'est ce qu'on va faire. Par ailleurs, ça devrait le faire. Et je ne vois pas trop de difficultés en la matière. La question, pour moi, c'est en combien de temps on va les avoir, ces 4,7 millions. Durant le délai de la procédure de référendum d'initiative partagée, le ministère de l'Économie l'assure, aucune décision sur la privatisation d'ADP ne sera prise. Et donc, vous venez d'écouter... cette introduction concernant la concession ou pas de l'aéroport de Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, il est en train d'opérer un certain changement de sémantique, parce qu'il est en train de nous affirmer que, ah oui, mais non, mais ce ne serait pas un changement, une privatisation classique, ce serait une concession. Et dans le cadre d'une concession, cela signifie que finalement c'est un bien de l'État et que cet État, il continue de gérer, d'être propriétaire de l'établissement public et entre autres de l'entreprise privée qui s'appelle Aéroport de Paris, dit ADP, et les alcoolites, ne pas confondre avec alcoolique, de La République En Marche, ils sont en train de nous expliquer qu'on ne privatise pas, on donne une concession de 70 ans. 70 ans, c'est extrêmement long, et je pense que pour la plupart de ma génération, si la privatisation devait donner lieu à une entreprise, si ça se trouve, on ne sait pas vraiment ce qui se passera, parce que dans le cadre d'une concession de 70 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, techniquement, lui, dans 70 ans, quelle que soit sa forme, sa modalité, son fonctionnement, l'État, en tant que pilier, lui, sera toujours là. Alors que si l'on donne une concession, par exemple, à l'entreprise Vinci, est-ce que Vinci sera toujours là dans 70 ans? Non, il s'agit d'une pure spéculation. Et parce que Vinci est une entreprise privée, par exemple, il suffit qu'il y ait une crise financière, comme ce qui apparaît pour l'année prochaine ou dans les 3 prochaines années, dans le meilleur des cas. Et qu'est-ce qui se passe si Vinci fait faillite? Cela sous-entend, par exemple, que l'aéroport de Paris, il sera mis en situation de faillite. Et cela pose un sérieux problème sur la question du maintien de l'infrastructure, parce que c'est quand même une énorme infrastructure avec une valeur immobilière très importante. Et que si l'entreprise fait faillite, alors on se retrouvera dans le cadre du même argument que le sauvetage des banques. C'est que l'État, d'une part, il perdra de l'argent sur le long terme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, sur la question d'Aéroports de Paris, touche 2 revenus. Il touche tout d'abord les dividendes. Et ensuite, il touche l'impôt sur les sociétés qui se situe entre 25 et 30% sur la question du chiffre d'affaires, et que il sera obligé de renflouer les caisses de l'entreprise à travers un prêt, à travers une aide financière. Et cela pose vraiment des problèmes. C'est parce que finalement, on délègue un service public à une entreprise privée, mais l'État continuera à gérer finalement le service public. Parce que l'État, il a besoin d'aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, mais aussi de Orly. Et qui va faire les investissements fondamentaux dans le cadre du développement de l'aéroport? Ce n'est pas les entreprises, c'est bien l'État. Parce que l'État, il donne quand même des milliards et des milliards d'euros d'aide aux entreprises. Selon les différents chiffres, il donnerait entre 180 et 270 milliards d'euros. Ça représente jusqu'à 13% du PIB. Et cet argent, il sort pas de nulle part, hein. Il sort de la caisse des travailleurs, du travail que ces derniers font. Et l'État, lui, il se permet de dire, enfin l'État, La République en Marche, vu que c'est le parti présidentialiste, il se permet de dire, voilà, on a une entreprise qui fonctionne très très bien, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser au privé le fait de gérer lui-même l'entreprise. Mais dans les pays les plus libéraux, et pourtant, hein, le libéralisme, c'est quand même dans l'idéal le fait de laisser le marché s'occuper de tous les plans de l'économie où il peut exister. Et que vous alliez en Angleterre, qui est quand même un pays ultra-libéralisme depuis que la Dame de Fer, c'est-à-dire Margaret Thatcher, a pris le pouvoir. Bah, c'est l'État qui gère, c'est-à-dire que l'aéroport d'Heathrow, il est géré par l'État. Vous allez en Espagne, qui a été géré pendant un certain bout de temps par Mariano Rajoy, bah, c'est les collectivités locales et l'État qui gèrent. Alors, sur la question du référendum, La République en Marche a vraiment peur, parce que cela remettrait en cause l'ensemble de sa politique fiscale et sociale. Et pendant que le mouvement des Gilets jaunes y continue, donc à l'heure où on enregistre, nous sommes dans le 31e acte, à l'heure de sa diffusion, nous serons dans le 32e acte, et force est de constater que le mouvement social des Gilets jaunes, aussi complexe et volatile et disparaître, la question de la privatisation, elle passe mal. Et dans le mouvement social et le mouvement syndical, cela passe vraiment mal. Alors on nous explique que le Parlement, il a été élu, et que un référendum met en danger finalement la représentativité du Parlement. Mais il faut quand même faire une critique de fond sur la question de l'élection du Parlement. Aujourd'hui, le Parlement français, et notamment l'Assemblée nationale, n'est pas représentative de l'ensemble de la vie de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de circonscription, alors que si on mettait en avant la proportionnelle intégrale, nous aurions effectivement un autre des alliances. Et cela, justement, éviterait que un parti qui est quand même dans une logique assez totalitaire en soi fasse ce qu'il veut, et justement parce qu'il fait ce qu'il veut, il se permet d'aller à l'encontre de la vie de l'ensemble de la population. À ce jour, ce qu'il faut savoir, c'est que si La République en Marche a fait 23%, allez, on arrondit à 25%, il y a quasiment 75% de personnes qui sont opposées à sa politique. Et parce qu'ils sont opposés à sa politique, cela a quand même un sens de fond, c'est que la République en marche, finalement, elle impose sa politique comme la dame de fer, afin de restructurer l'État et de le rendre plus compétitif, de le rendre plus rentable, de le rendre plus attrayant, plus attractif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus le gouvernement va se radicaliser et tendre, entre autres, la main à l'extrême droite, même si l'extrême droite, dans le fond, elle est opposée à la privatisation de l'aéroport de Paris. Mais ça encore, il s'agit d'un pur opportunisme, parce que l'extrême droite, on le sait très bien, elle est foncièrement opposée à plusieurs choses. On sait que l'extrême droite est très, très libérale et elle défend le côté du national-libéralisme. Alors on le voit, c'est que au Brésil, Jair Bolsonaro, il avait un programme ultra-libéral. Et qu'est-ce que cela impliquait ? Cela impliquait que ça faisait fuir les investisseurs étrangers. Parce que quand les personnes sont trop radicalisées dans leur ligne, bah les investisseurs ils se disent « bah merde, je vais pas investir ici ». Et sur l'aéroport de Paris, ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est que l'entreprise va investir plusieurs milliards dans les prochaines années afin de se développer. Mais aussi, il faut quand même dire une chose, c'est que l'aéroport de Paris, c'est la base d'Air France KLM. Alors, il y a un souci fondamental entre la France et les Pays-Bas, parce que Air France KLM, c'est une compagnie franco-néerlandaise, et que c'est un peu le spot de référence. Alors, les compagnies, on sait, elles payent pour pouvoir utiliser l'aéroport, et on nous dit que les prix vont baisser, mais on voit que la quasi-totalité des privatisations, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut encore être honnête, il ne faut pas mentir aux gens. Il s'est passé une chose, c'est que les prix ont augmenté. Vous prenez le prix de l'électricité. Entre autres, le prix d'EDF, bah, il a augmenté de 6%. Il n'a pas augmenté de 6% parce que c'était moins rentable et qu'il y avait des coûts supplémentaires. Les prix ont augmenté parce qu'il fallait justement sauver les actionnaires du privé parce qu'EDF vend une partie de son électricité au privé. Et justement, on va aussi dans la question du gaz. Alors, c'est vrai que la question du gaz, cette fois-ci, elle baisse, mais c'est des baisses conjoncturelles. C'est-à-dire que on a utilisé beaucoup moins de gaz cette année, donc ça baisse. Mais ça va réaugmenter, donc ça fait un peu un yoyo. Et quand on regarde aussi l'expérience des péages, parce qu'on nous dit toujours, oui, les entreprises investissent beaucoup plus, mais dans les faits, les entreprises, leur objectif, c'est pas d'investir. Une entreprise, si elle investit, c'est pour engranger des bénéfices. Et ces bénéfices, ils se transforment en deux choses, en trois choses exactement. Ils se transforment, un, en impôts, c'est-à-dire vers une redistribution vers l'État et donc vers les citoyens. Ils se transforment en dividendes, c'est-à-dire dans la poche des actionnaires qui possèdent des titres de propriété de l'entreprise. Et ensuite, en investissement. Et plus les actionnaires empochent de dividendes, et donc plus ils empochent de dividendes, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe plusieurs choses, c'est que l'investissement baisse. Et si l'investissement baisse, bah, cela veut dire que leur objectif c'est de baisser les coûts de production. Et quand on baisse les coûts de production d'une entreprise, cela se traduit par des plans de sauvegarde de l'emploi en neuf langues, ou autrement dit, par des licenciements boursiers, c'est-à-dire des licenciements qui sont faits pour faire augmenter la valeur de l'action. Et si la valeur de l'action augmente, bah cela veut dire que les dividendes augmentent pour les actionnaires sans rien faire. Donc, on va s'écouter la souris déglinguée Marie-Dominique. j'étais un soldat de marine. Je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. On est mis trop près de l'oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de beau. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique, je ne savais pas que la chance ne fréquentait point les cadiens, et qu'en dehors de la cuistance, tout le reste ne valait pas ça. Tu m'as fait comprendre les choses avec tes petits airs insolents. Et je ne sais quelles apothéoses, c'était le plus clair de mes tourments. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de beau. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique, ce fut Marie la Tonkinoise qui voulut faire notre bonheur en faisant passer sous la toise dans le vieux chelon ou bien ailleurs. T'as toujours été un peu folle, ton but je le voyais pas bien. Tout ça c'était que des paroles au cours de la piastre de l'enquin. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de beau. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique. Réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Et donc, vous êtes toujours sur la radio Médialutte, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, la radio du réseau social The Changebook. Et donc, il y a peut-être un peu de bruit derrière parce que je suis en train de faire chauffer mes pattes. Et on peut dire, c'est que les pattes, elles au moins, elles sont en super forme. Hein. Ça fait du bruit, ça pétarade, ça essaye de passer au-delà de la casserole. Mais au moins, on pourra dire que mes pattes à moi, ce sont des pattes sans œufs. Et c'est vachement bien, parce que cela ne fait pas partie intégrante de l'industrie agroalimentaire des œufs et du lait. Donc je suis vraiment à la bourre pour faire cet épisode. Je l'enregistre, il est 19h12 alors que je dois le diffuser à 21h05, mais cela a une raison bien précise, c'est que l'interview que je devais faire, bah, malheureusement j'ai pas pu l'avoir au téléphone. Donc c'est assez problématique pour moi, hein, parce que cela me permet, cela m'a fait un peu attendre jusqu'au bout. Ici, j'attends jusqu'au bout bah, et que je l'ai pas, bah, cela pose des problèmes. Donc, au niveau de l'émission, si vous êtes courageux d'avoir réussi jusque-là, on va s'écouter tout d'abord du BMX et les petits tracts. Et ensuite, je vous expliquerai l'évolution de l'émission. À tout à l'heure. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Me battre. Me battre. toute ma génération, celle des trentenaires, donc, l'a découvert dans Récréa 2, aux côtés de Dorothée, avec sa coupe au bol inimitable et ses petites lunettes rondes qui lui font un look d'éternel adolescent. Heureusement, sa carrière ne se limite pas à ses apparitions télévisées. Il est avant tout, et d'après son ami Wolinski, l'un des meilleurs dessinateurs au monde. Père d'un potage sympathique, le grand Duduche, son personnage fétiche né dans le magazine Pilote, et de la méchante Catherine, créateur du Beauf en 76, ce dessinateur humoristique et caricaturiste politique de talent est devenu au fil du temps un véritable entomologiste de la société française, croquant les travers de ses contemporains en toute liberté et égratignant au passage la religion catholique. Cabu, bonjour. Dites donc, c'est une belle nécro, hein? Ça commence bien. Je vous appelais Cabu, votre vrai nom c'est Jean Cabu, et de votre nom de famille vous avez fait... J'ai coupé le thé à la fin. Pourquoi? Parce que autrefois il fallait des signatures qui aient l'air de pseudo, quoi. Mais j'avais déjà un nom qui avait l'air d'un pseudo, donc j'ai enlevé la lettre finale inutile, quoi. Vous avez commencé le dessin très tôt et vous avez eu la chance d'être publié très tôt, mais à l'âge de 15 ans, c'est totalement extraordinaire, dans un journal régional, certes, mais au moins on peut faire des erreurs. Écoutez, même avant, à 12 ans, j'ai eu un dessin publié dans le Cœur Vaillant, parce que j'étais Cœur Vaillant. Ça, on en reparlera d'ailleurs. Je sais pas si ça existe toujours, les Cœurs Vaillants. Ah, je suis pas sûre. Non. C'était les scouts des pauvres, on disait. C'est les scouts de la France d'en bas, à l'époque. Et il y avait un concours de dessin dans le Cœur Vaillant que j'ai fait et j'ai eu le premier prix. J'avais à 12 ans. Et après, 3 ans plus tard, ce qui est quand même encore très jeune, on sort, on est en pleine adolescence, même on sort à peine de l'enfance, vous êtes déjà publié dans le journal Vous êtes de Chalon-sur-Marne, et dans l'Union de Reims, vous êtes publié. Voilà. Et vous faites vos premières armes, vos premiers crayons, vos premiers dessins. Oui, et ça m'a beaucoup servi parce que j'allais aux réunions du conseil municipal de Chalon, je faisais des caricatures, et c'est là où j'ai appris vraiment mon métier, si vous voulez, comme c'était une société en réduction, une ville d'une ville moyenne, quoi, et toute la société était là, en réduction. Et c'est là que vous vous êtes fait remarquer, déjà, par ceux qui allaient fonder Harakiri? Non, c'est plus tard. C'est en arrivant à Paris, j'allais porter mes dessins dans les journaux qui existaient à l'époque et qui passaient des dessins. C'était Ici Paris, qui avait 5 grandes pages de dessins, France Dimanche, ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Fred, le dessinateur de Philémon, qui ne dessinait pas encore Philémon, on a sympathisé. Et puis un jour, il m'a dit « Est-ce que tu veux faire partie d'une équipe qui est en train de se monter ?» Il m'a présenté à Cavana et c'était les débuts de Harakiri. C'était en juin 1960. Et le premier numéro de Harakiri a démarré en octobre 1960. Voilà. Il y a un homme qui vous a peut-être inspiré cette vocation, c'est le dessinateur Dubout. On va montrer, tout de suite les gens vont remettre qui est Dubout parce qu'on va l'associer aux affiches de Marcel Pagnol. Et c'est vraiment en voyant ces dessins que l'envie vous est venue d'en faire un métier? Je crois. À 12 ans, je recopiais les dessins de Dubout. Pas simple. Non, justement. Et comme on voit au Louvre, vous savez, les apprentis peintres qui... Parce que dans ce dessinateur, il n'y a jamais une faute de dessin, vous voyez. Moi, je l'admire beaucoup. Je crois que tous les dessinateurs l'admirent, Wolinski le premier. Mm-hmm. Et Wolinski a décidé d'organiser une grande expo pour le centenaire de sa naissance, parce qu'il est né en 1905 à Marseille. Une expo qui aura lieu à la fin de l'année à la Grande Bibliothèque. D'accord, comme ça la date est prise. Vous, on vous a aussi connu avec ce personnage que j'ai évoqué en introduction, le fameux Le Grand Duduche, qui est vous, adolescent, en fait, hein. Enfin, physiquement, il vous ressemble quand même. Les dessinateurs se dessinent, paraît-il. On ne le fait pas exprès. Hein. Ah bon, Philippe Geluck, vous croyez qu'il ressemble à un chat? Non. Non, mais voilà ce qui ressemble à ses dessins. C'est vrai. Rezer, quand il courait, il ressemblait à Rezer. Ouais. Bon, c'est comme ça, oui. On se sert évidemment beaucoup de ce qu'on a, de ce qu'on connaît. Moi, j'ai utilisé beaucoup de souvenirs de lycée. C'était des années heureuses. Après, j'ai dessiné des militaires. Là, c'était des années plus dures parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, malgré moi. Mais vous n'en gardez pas un très bon souvenir. Non, hein. Ça... Mais au moins, je suis parti en Algérie, je ne connaissais rien à rien, en mars 58. Et je suis revenu en juin 60, vous vous rendez compte, 27 mois après. Et j'avais une conscience civique ou politique, comme vous voulez. Vous avez beaucoup égratigné l'armée, d'ailleurs, par la suite. Après, oui, parce que j'ai connu un adjudant que j'ai dessiné après, l'adjudant Cronenbourg. On l'appelait l'adjudant Cronenbourg, parce qu'il était sous à partir de 9h du matin. Vous voyez, donc, tout sert, même les mauvais moments. Ouais. Et comment, justement, vous renouvelez... parce que chaque matin, il faut trouver des nouvelles idées, quand même. Des nouvelles idées, un nouvel angle, un nouvel axe. Il faut se renouveler. Comment on fait pour que ce ne soit pas la panne sèche? Je suis comme vous, j'écoute la radio, je lis les journaux. Puis l'actualité vous donne des nouvelles têtes. Même si c'est l'histoire ancienne, je regrette, par exemple, graphiquement, je regrette Raffarin. C'était une caricature ambulante. Hein. Je regrette, comment elle s'appelait à l'écologie, Roselyne Bachelot. Vous voyez, c'est des personnages qui sont déjà dessinés. Vous avez aussi une autre facette qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui est celle du dessinateur itinérant. Vous avez fait déjà plusieurs pays, vous avez fait le Japon, la Chine, l'Inde récemment, l'Amérique aussi, l'Inde récemment. Et là, vous croquez, parce que votre patte aussi, c'est de croquer sur le vif. Oui. On pourra peut-être le voir tout au long de l'émission. Vous avez commencé à gribouiller un petit peu, excusez-moi, trop gribouiller. Et c'est important pour vous de partir, justement. Oui, je vous ai dessiné en train de regarder le Dubout, là. Ah, oui. Qu'est-ce que vous avez marqué ? Micelle illustrée par Dubout. Par Dubout. C'est dommage, il ne l'a pas fait. Il ne pourra plus le faire, il est mort. Oui. Et justement, cette itinérance, elle est importante pour vous aussi de sortir de l'hexagone que vous croquez admirablement et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs? Oui, parce que le dessin permet de faire des tas de choses. Il vient de la bande dessinée, du reportage, de la caricature, du dessin animé. Enfin, j'aime bien faire un peu tout ce que permet le dessin, justement. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître tout au long de cette émission. Et dans la prochaine conversation, nous parlerons de votre enfance, du petit Jean Cabu. Merci beaucoup. Né à Chalon-sur-Marne en 1938, d'une maman au foyer très occupée à élever ses trois enfants et d'un papa professeur aux arts et métiers qui aurait préféré un fils ingénieur plutôt que dessinateur, mais bon, il a grandi le crayon à la main et l'esprit déjà rebelle. L'écrivain Daniel Pennac écrit que les enfants sont des énigmes lumineuses et c'est à l'enfant qu'il a été que nous allons nous intéresser, non pas pour tenter de résoudre l'énigme, mais pour nous approcher de la lumière du petit Jean Cabu. Qui était-il, ce petit Jean Cabu ? J'ai des vagues souvenirs, mais des bombardements de Chalon-sur-Marne, figurez-vous. Ça, c'était... Est-ce que vous êtes né en 1938 ? Oui. La guerre a éclaté peu de temps après. Mon père n'était pas là, il était au front. Et ma mère me descendait dans la cave. Et j'ai encore dans l'oreille la terre qui tremblait. Parce qu'ils avaient bombardé le dépôt qui n'était pas très loin de la maison. Enfin, bon, c'est votre premier souvenir ? Oui, je crois, oui. Oui. Là, c'était en 1942, donc je devais avoir 4 ans. Oui. Donc, vous voyez, j'ai déjà connu deux guerres. Mais j'ai aucune médaille. Donc, c'était quoi votre question ? Je vous demandais qui était le petit Jean. Je ne sais pas. Hein, ça, il faudrait demander à mon père qui a 92 ans et qui est toujours très vert. Quel caractère on s'accordait à vous attribuer ? Je crois que je dessinais déjà. Je dessinais très tôt. Dessinais tout le temps. Alors, si vous dessinez tout le temps, vous n'étiez pas très expansif, j'imagine. Non, non. Si pas... tout passe par le dessin. Voilà, je n'étais pas sportif, parce que je n'ai jamais été. Et je regardais sûrement la vie autour de moi pour la dessiner, quoi. Et vous l'expliquez comment, la naissance de cette vocation ? Parce que, bon, d'accord, vous aviez un papa qui est Gazar, comme on dit, aux arts et métiers. Ça a pu jouer, ça, ou c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec papa et... Non, c'était même un contre-exemple, puisque mon père est un matheux, plutôt, est un scientifique. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait voulu... Il aurait bien voulu avoir un ingénieur comme fils aîné, mais je l'ai contrarié, évidemment. Je dessinais. C'était pour pas faire plaisir à papa, en fait. Non, je n'ai jamais été en opposition avec lui, d'ailleurs, lui non plus. Enfin, il était un peu inquiet à une époque en me disant si on pouvait gagner sa vie avec des dessins, ça se saurait. Je le comprends très bien, quoi. Mais moi, j'ai pas eu de début difficile, vous voyez. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance et que ça s'est fait tout seul, quoi. C'est vrai, j'ai pas... Beaucoup de mes amis dessinateurs ont bouffé de la vache enragée, mais moi, j'ai eu cette chance de ne pas de gagner toujours un petit peu ma vie au début, et ça suffisait. Pour revenir vraiment à votre enfance, au petit Jean Cabu, s'il y a une odeur qui devait remonter de votre enfance, ce serait quelle odeur ? Ah, l'odeur des madeleines, ça c'est vrai. Oui, j'ai toujours aimé les gâteaux. Hein. Et c'est parce que ma grand-mère, elle faisait des madeleines. Elles n'avaient pas l'air de madeleines, mais ça avait une drôle de forme. Mais c'était quand même de la madeleine, et je me rappelle de l'odeur de la madeleine, oui. Donc il n'y a pas que l'odeur des bombardements qui vous reste. Non, la poudre, oui, oui. Ouais. Mais je me rappelle aussi des soldats allemands qui défilaient dans Chalon-sur-Marne. Ça, c'était le bruit des bottes. Donc c'est des sons, hein, vous voyez, c'était... Je suis d'une époque d'avant la télévision. Alors, j'arrive pas à savoir si vous avez eu une enfance heureuse, oui, ou pas. Oui. Sauf quand mes parents m'ont collé chez les Cœurs Vaillants. Alors là, décidément. Le contact avec la vie en communauté, ça m'a jamais plu. Vous êtes resté longtemps chez les Cœurs Vaillants pour que ça vous ait autant marqué ? Non. Et puis à un moment, j'ai séché les Cœurs Vaillants. J'ai jamais séché le lycée, mais je séchais les Cœurs Vaillants parce que j'aimais pas du tout ça. Et justement, le lycée, vous étiez plutôt bon élève, ou vous auriez pu devenir ingénieur si vraiment vous aviez voulu ? Non, j'étais mauvais élève. À l'époque, j'ai eu le brevet seulement, j'ai pas été jusqu'au bac. Et avec le brevet, on pouvait entrer à l'école Estienne, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené à Paris. Voilà. D'accord. Mais non, je vous dis, je ne pensais qu'à dessiner. Je dessinais mes profs, mais c'est l'itinéraire classique d'un dessinateur, je pense. On a tous été comme ça. C'est assez banal, si vous voulez. C'est pas simplement. Moi, j'ai eu la chance de vivre, de connaître une ville moyenne, dont je vous disais tout à l'heure, et que c'était un échantillon de la société. Il y avait tout, quoi. Déjà, le conseil municipal, c'était comme l'Assemblée nationale où je suis allé plus tard. Et ça, c'était bien, c'était d'avoir vécu dans une ville comme ça, je pense. Mieux qu'à Paris, où c'est trop grand, quoi. Paris, pour un enfant, c'est trop grand. On se demande toujours comment un enfant peut jouer à Paris, c'est ça, peut grandir à Paris. Vous qui dessinez toujours en noir et blanc, si vous deviez mettre une couleur sur votre enfance, ce serait quelle couleur ? Ah, ça serait rose, ça serait... Oui, c'est quand même... Parce que c'est aussi les années qu'on appelait les 30 Glorieuses, vous voyez. J'ai connu les 30 Glorieuses, et c'est vrai qu'on ne parlait pas de chômage. Il y avait après la libération, il y a eu une espérance folle, quoi, de vivre mieux. Bon, et les gens savaient que leurs enfants vivraient mieux qu'eux, alors que maintenant, vous savez que c'est le contraire. Tout à fait, oui. Les gens croient, mais ça aussi, faut pas être défaitiste. Je pense que... C'est-à-dire que, avec un petit peu d'écologie dans la vie, on pourrait être plus heureux, quoi. Voilà. L'écologie, ce sera un des thèmes que nous aborderons. Dernière question. Est-ce que le petit Jean, il serait fier de Cabu ? Je sais pas. Oui, je pense que j'avais envie de faire ça. Et puis, le monde, évidemment, m'est apparu plus dur quand je suis arrivé à Paris qu'à Chalon-sur-Marne. Ça, c'était aussi les premières années à Paris, c'était dur quand même. Parce que oui, j'étais un peu protégé quand même à Chalon-sur-Marne, dans une petite ville, avec mes parents, ma grand-mère, tout ça. Mais je me retrouve tout à fait, c'est pour ça que je me retrouve tout à fait dans les chansons de Trenet. Je crois qu'on en parlera aussi tout aussi, à l'heure. Voilà. Pourtant, Trenet, il a vécu à Narbonne, donc c'était une autre latitude. Mais je trouve qu'il a magnifiquement parlé de la province, parce que finalement j'aime beaucoup la province, même si c'est une province rêvée, parce que évidemment il y a aussi le qu'en dira-t-on qui est terrible en province et tous les désavantages, mais vous avez un univers justement plus douillet qu'à Paris, quoi. On peut terminer avec le joli petit dessin. Oui, une enfance rêvée. Alors, laissez-le un petit moment qu'on puisse le voir. Voilà. Vous êtes mignon en poupon. Oui, je ne sais pas si votre fils ressemble à ça. C'est une fille. C'est une fille, oui. Merci beaucoup, Cabu. C'est Ses dessins sur la religion catholique sont souvent très durs, voire totalement blasphématoires aux yeux des catholiques. Vous serez alors peut-être surpris d'apprendre qu'il a été élevé dans cette religion, mais comme on peut s'y attendre, il lui a tourné rapidement le dos. André Frossard, le journaliste et philosophe français, dit que l'histoire du monde est celle d'une interminable querelle de l'homme avec son Dieu ou avec l'idée qu'il s'en fait. Et c'est tout le sens de la conversation que nous allons avoir tous les deux avec Cabu, qui continue de dessiner. On vous présentera le dessin tout à l'heure. C'est vrai que vous avez été élevé dans une famille croyante et pratiquante, qui plus est. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé au catéchisme et jusqu'à 12 ans, j'ai dû croire. Mais pourtant, je me dis que petit, je n'accrochais pas aux contes de fées. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que qu'à un moment donné, je n'ai plus cru en Dieu. Et... Vous avez tout mis dans le même panier, la religion, oui, le Père Noël, les contes de fées. Oui, oui, c'est ça, oui. Un gros mélange. Le fantastique, le mystique et tout ça, c'est vrai. Je suis pas, je suis trop, peut-être cartésien ou ce que vous voulez, trop raisonneur. Moi, je suis toujours un peu surpris quand les gens disent qu'ils sont trop cartésiens. Alors, comment vous expliquez, par exemple, puisque Dieu n'existe pas dans votre discours, comment vous expliquez la Terre, l'humain, le monde, la nature, ça, la beauté? On n'a pas encore l'explication, mais seulement votre explication n'est peut-être pas non plus la bonne. Mm. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous prouver que j'ai raison, vous ne pouvez pas me prouver que vous avez raison. Il vous arrive d'aller discuter avec, je ne sais pas moi, des prêtres, des sœurs, des personnages catholiques? Non, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier. J'ai connu un aumônier à Chalon-sur-Marne, qui était un ancien résistant. C'était un type très bien, mais on ne parlait pas, de religion avec lui, mais c'était un type que j'appréciais. Donc je pense que c'était quelqu'un de bien, mais je ne pense pas que sa croyance y soit pour quelque chose. Il se conduisait comme un homme, et, simplement. Et est-ce que vous avez rencontré, vous avez fait beaucoup de dessins sur Jean-Paul II, surtout le pontificat de Jean-Paul II, puis au moment de son décès aussi, je parlais de blasphématoire. Je pense que vous, ça ne veut rien dire pour vous, blasphématoire. Non. Non, moi, j'ai des choses que je ne comprends pas. L'Immaculée Conception. Surtout, ce qui me choque, c'est la rédemption par la douleur dans la religion catholique. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais je ne sais pas. Je n'ai peut-être pas eu... Pourtant, j'ai eu les clés, si vous voulez, puisque je suis allé au catéchisme. Enfin, c'est, oui, les clés de base, on va dire. Les clés de base, mais... Mm. Je n'ai pas adhéré à cette construction du monde et de l'au-delà, quoi. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'essayez pas d'en savoir plus, d'en discuter Si, mais regardez, la science, quand même, a expliqué beaucoup de choses qu'on ne savait pas au Moyen-Âge, etc. Mais science et foi ne sont pas forcément... sont même pas du tout en contradiction l'un avec l'autre. Non, mais... C'est pas très... C'est d'instinct, si vous voulez. C'est instinctif. Je ne veux pas. De même, vous, peut-être qu'au départ, vous avez fait ce pari. Je ne sais pas. Hein, le fameux pari de Pascal ? Oui. moi, j'ai fait le pari inverse, si vous voulez. Enfin, il n'y a pas de pari pour moi. Mais peut-être que je me trompe. Et si vous perdez le pari, alors, et qu'il existe ? Non, mais je crois que malheureusement, le néant, c'est ce qui nous attend. Et c'est vrai que ce n'est pas réjouissant. Vous avez la chance de croire que vous avez peut-être un au-delà qui vous attend. C'est réjouissant. C'est plus réjouissant que de se dire que bientôt, ça va se terminer. Mais malgré tout, ça me semble justement un conte de fées. Mmh. Vous avez peur de la mort, de fait ? Sûrement, comme tout le monde, oui. Ouais. Oui. J'y pense assez souvent, d'ailleurs. Parce que dans les dessins, on dessine souvent la mort. On dessine la mort de Jean-Paul II. Il y a tout le temps des morts dans l'actualité, donc bien sûr. Mais justement, la mort de Jean-Paul II, c'était un peu choquant pour un laïc comme moi, parce qu'il me semble qu'ils en ont un peu tiré sur la corde quand même, quoi. L'éternel débat. Ouais. Et à la vôtre, la mort, vous y pensez aussi? Bien sûr. Bien sûr, c'est... Alors, non, mais surtout la déchéance, quoi. Il y a des dessinateurs qui dessinent bien jusqu'au bout, comme Sénèpe. Sénèpe, c'est un dessinateur caricaturiste français de la 4e République. Vous voyez, alors jusqu'à 89 ans, il a bien dessiné. Et il y en a d'autres qui fatiguent quand même, comme Jacques Faizant en ce moment. Il est fatigué, il a 89 ans aussi. Donc j'aimerais mieux vieillir comme Sénèpe que comme Jacques Faizant. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste de vous, à part les milliers de dessins ? Rien du tout, ça je m'en fous complètement. C'est vrai ? Ah oui. Et qu'est-ce que vous allez dire ? Alors faisons le pari que, hein, que Dieu existe. Je ne sais pas si vous allez arriver à concevoir ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez arriver face à lui ? Ah là, je serais étonné alors. Et comment vous le voyez, vous ? Moi, je le vois, s'il existe, il existe un peu comme Cavana, avec la barbe blanche en plus. Non ah oui, c'est une caricature de Dieu en plus. Je suis mais avec un caricaturiste. Là, hein. Je lui dirais, bah, écoutez, oui, chapeau. Je ne savais pas que vous existiez. Mais vous pensez qu'il y a un jugement dernier ? C'est moi qui pose les questions. Ah oui, pardon. Dans cette émission. Ça, c'est vrai, quand on voit la chapelle Sixtine, c'est beau, quoi, mais c'est comme... c'est de la science-fiction, quoi. Mm-hmm. Et si vous pouviez adresser une prière à Dieu, vous lui demanderiez quoi ? Je sais même plus prier, je sais même plus si je sais encore, je vous salue Marie. Alors, j'ai lu que votre précédent invité avait prié quand il était otage, et là, c'est vrai qu'on ne sait pas. Ah oui, quand on a reçu Christian chez nous. Voilà. Mm. Si j'étais otage, peut-être que je me mettrais à prier. Mm. Mais vous voyez, il faut quand même être plongé dans un drame comme ça. Et c'est vrai que je vis plutôt dans la comédie, quoi. Je suis pas dans des drames, donc je ne sais pas comment je réagirais. On va terminer en... Vous avez terminé le dessin, là ? Oui. Ah oui, non, j'ai pas fini. C'est moi ? C'est vous, ça. Qui priez pour moi ? C'est Sœur Emmanuelle, en quelque sorte. Merci beaucoup, Kavu. Combattre la bêtise et les travers de la société par le rire. Mon invité sait mieux que personne appliquer cette formule avec efficacité. Si le dessin est son mode d'expression, l'humour est sa seconde nature. L'humour, forme originale d'esprit à la fois plaisante et sérieuse, qui s'attache à souligner avec détachement mais sans amertume les aspects ridicules, absurdes ou insolites de la réalité, et dont Stephen King dit qu'il est une colère maquillée. Est-ce que vous adhérez, Kabu, à cette définition de l'humour ou vous avez votre propre définition de l'humour ? Non, c'est bien ça. Ça vous plaît, la colère maquillée ? Oui. C'est vrai que c'est... Et aussi plus... Cavana, il dit que l'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, mais... c'est vrai que ça doit un peu réveiller, parfois. Il y a quelque chose de violent, hein, dans la définition de l'humour que vous avez, alors. Non, dans un dessin, évidemment, vous avez droit à un seul coup, quoi. C'est un fusil à un seul coup, un dessin. D'où le fait que je parlais d'efficacité. Voilà. Il y a... Bah, c'est la politesse du désespoir, tout ça c'est vrai. Mais aussi ce que disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, malheureusement. Mmh. Voilà. Et quelle est la base d'un bon dessin ? Un dessin qui va vous faire rire, vous, qu'est-ce qu'il doit réunir comme ingrédient ? Ça c'est mystérieux parce que... Qu'est-ce que ça pourrait être un bon dessin ? C'est une situation drôle, c'est un... Le moindre mot possible, c'est un condensé, quoi. C'est vraiment un résumé. Voilà. Il faut qu'on soit... c'est comme quand vous cherchez un titre, si vous voulez, puisque vous êtes journaliste. Il faut condenser sa pensée. Mais ça, si c'est difficile de trouver un titre. Voilà. Mmh. Et les dessinateurs ne sont pas mauvais pour trouver des titres parce qu'on a l'habitude de ramasser notre pensée comme ça. Vous arrivez tout de suite à savoir, quand vous dessinez, vous, si c'est un bon dessin qui pourrait être publié ou si vous le mettez directement à la poubelle ? Ou vous avez besoin du regard d'une autre personne ? Non, je vous dis franchement, ça m'arrive rarement de rire. Si, les rares fois où je ris une fois que le dessin est fini, bon, ben, je me dis que c'est à peu près un bon dessin, mais autrement, on doute quand même. Quelquefois, on est étonné de la réaction des lecteurs qui vous disent « Ah, ça, c'était un bon dessin, bon... » Et puis d'autres dessins auxquels on tient passent inaperçus, vous savez. Chacun a son humour. Et justement, y a-t-il particulièrement un humour à la française par rapport peut-être à un humour british, humour belge ? Oui, par rapport au nonsense britannique, bien sûr. On est plus cartésien, les Français, hein, je reviens au cartésianisme. Mmh. et ça dépend aussi des journaux. Dans le Canard enchaîné, vous avez un humour qui est proche de la réalité. On doit... On doit coller à la réalité. Si on utilise une citation d'un homme politique, il faut que l'homme politique ait vraiment dit cette chose-là. Tandis que dans Charlie Hebdo, vous pouvez décoller davantage. Vous pouvez, le journal pour lequel vous travaillez. Voilà. Vous pouvez imaginer ce qu'il va dire après. Mais on s'adapte un peu aux médias aussi. Oui, quand on dessine ou quand on écrit, je pense qu'on pense au lecteur, à qui on s'adresse, oui. Instinctivement, oui. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Vous pratiquez l'autodérision, vous ? J'essaye, mais ma femme m'aide. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se connaît assez mal, d'ailleurs. Hein. On se connaît assez mal soi-même ? Oui, mais même la caricature. Puisqu'on se voit toujours dans une glace, on se voit à l'envers. Donc, on ne se connaît pas très bien. Ce qui m'étonne toujours dans la caricature, c'est avec deux yeux, un nez, une bouche, c'est la variété de visages. 6 milliards de visages qui ne se ressemblent pas. C'est très rare que s'il y a les jumeaux, mais c'est ça qui m'étonne toujours. Quoi. Et est-ce que vous pratiquez l'autocensure ? Est-ce qu'il y a encore des sujets que vous sentez trop sensibles et vous dites non, là, je c'est pas possible, quoi. On ne peut pas traiter ça ? Non, même je vous dirais, chez mes parents, j'ai vécu quand j'étais petit, donc, et jusqu'à l'âge de 15 ans. La famille à côté, qui en était amie, il y avait un Mongolien. Et pour moi, c'était... Moi, je jouais avec lui et je crois que je ne faisais pas une différence, sinon qu'il ne comprenait pas tout, peut-être, notamment ce qui était écrit, peut-être. Mais c'était un copain pour moi. Et alors après, j'ai dessiné des Mongoliens. Mais alors, c'est impossible. Impossible parce que j'ai reçu beaucoup de lettres en disant « Vous n'avez pas le droit de dessiner Mongolien ». Il croyait que je me moquais de lui, de deux, en fait. Mm. Et c'était... Non, c'était pour le mettre au niveau des autres, si vous voulez. Mais c'est pas passé. Mais c'est pas passé. Et peut-être que c'était maladroit aussi. Oui. Donc, ça, c'est un tabou. Les handicaps, on peut pas rire avec les handicapés. Pourtant, j'ai connu des handicapés qui voulaient qu'on les prenne pour des hommes. Tu voulais qu'on les prenne aussi pour cible ? Voilà. Pour non, les mettre pas, au même pas niveau forcément, que... mais au non. même niveau, oui. Mm-hmm. Il disait, on peut rire de nous aussi. Mais c'est délicat à faire, c'est vrai. On sait tous que vous avez un fils qui est connu. Oui. Mano Solo, qui malheureusement a le sida. Est-ce que vous arrivez, vous, à prendre de la distance par rapport à ça et à faire des dessins sur le sida ? Ou c'est trop violent pour vous ? J'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai. Mais ça va mieux maintenant parce qu'il va bien. La trithérapie a bien fonctionné pour lui. Donc il a repris du poids et il est en bonne forme. Parce qu'il faut le voir en scène, hein, il se dépense. Hein. Mais quand on est touché personnellement par un vrai problème... Ben oui, il y a 15 ans, c'est arrivé. Oui. Donc oui, c'était pas marrant à l'époque. Et avec une mort programmée. Mais voilà, vous arrivez, vous, caricaturiste, dessinateur non, satirique... Non, mais j'ai fait des dessins pour que les jeunes se protègent, par exemple. Pour une campagne, j'avais fait ça. C'est indirectement, j'avais parlé de ça, quoi. Ou si j'ai fait un dessin, par exemple, pareil, on a cru que je me moquais des malades du sida, mais c'était au contraire pour ne pas les mettre dans un ghetto. C'était un curé qui distribue l'extrême onction, mais il n'osait pas entrer chez le malade du sida. Il mettait l'hostie dans la boîte aux lettres. C'était dans le Canard enchaîné. Mais j'ai reçu des lettres pour ça en disant « Vous n'avez pas le droit de vous moquer des malades du sida. » T'es au con. Souvent, le second degré n'est pas compris. Vous voyez, il y a un public qui ne comprend pas le second degré. Mmh. Et qu'est-ce qui vous fait rire, vous ? Moi, les dessins de Dubout, dessins de Volinsky, j'aime bien. Laurel et Hardy. Mmh. Ah oui, vous parlez autre. Ah oui, d'une en manière plus du générale. Dessin. Ah oui, Laurel et Hardy, je trouve qu'on a. J'ai jamais autant ri que devant les films de Laurel et Hardy. Parce qu'il y a très peu de paroles d'abord, et c'est un. Laurel surtout est un mime extraordinaire. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Tati. Ah oui. Oui. Parce que j'ai fait des dessins pour lui, figurez-vous, à la sortie de Playtime, qui était projeté à l'Empire. Il a voulu faire un programme comme pour les théâtres. Et il m'a demandé de faire des dessins. Donc j'étais à Pilote à l'époque. Donc je l'ai rencontré, je l'ai vu souvent et c'était un personnage incroyable, quoi, qui avait le temps, parce qu'on passait une après-midi avec lui à une terrasse de café et il se faisait des scénarios. Il disait, celui-là, il sort de chez sa maîtresse, par exemple. Ouais. Et il avait raison, on le voyait sortir sa maîtresse, il regardait à droite et à gauche, on le voyait et tout ça. C'était passionnant, quoi. C'était un type qui observait les gens et il a beaucoup utilisé cet humour-là d'observation. Voilà. Oui, et de caricature aussi, avec voilà, son fameux Monsieur Hulot, bien distinct. Ben, merci beaucoup, Kaby, pour cette conversation sur l'humour. Pas de petit dessin pour clore Mais j'ai pas eu le temps. On n'a pas le temps. Ce sera pour la prochaine conversation. Merci, Kaby. Il a fait partie des premières manifestations contre les essais nucléaires français. Vote vert au premier tour, ne supporte pas les 4x4 dans Paris et circule lui-même en transport en commun. Marié alors avec Isabelle, il a travaillé pour La Gueule Ouverte, premier journal écolo fondé par cette même Isabelle donc, et voue une admiration sincère au biologiste et écrivain Jean Rostand. L'écologie, c'est le thème que nous allons développer avec vous, Kaby. L'écologie qui est rentrée dans votre vie assez tôt finalement. Vous avez une prise de conscience écologique assez tôt dans votre vie. Oui, par Jean Rostand, justement. Par lui. Oui. Et parce que figurez-vous qu'en 61, j'étais adhérent à l'Union pacifiste et on organisait et Jean Rostand organisait des manifs dans Paris, mais on n'a jamais eu l'autorisation d'entrer dans Paris. C'était des manifs contre les essais nucléaires français à Reagan, dans le désert, au Sahara. Et la préfecture de police nous interdisait de l'entrée dans Paris, donc on défilait à Courbevoie. Mais ça avait un retentissement quand même, vos manifestations? Non, pas beaucoup, vous savez. Pas bien nombreux. On était un petit millier et encore. Oui. C'est ça, c'était très dur. Les pacifistes n'ont jamais attiré beaucoup de monde, parce qu'il faut un peu d'imagination pour imaginer les catastrophes, quoi, c'est ça. Mais c'est lui qui, vous savez, qui s'intéressait aux grenouilles. Oui. Donc c'était un savant. Qui a su vulgariser son art aussi. Voilà, voilà. Qui a su intéresser. Et qui avait de l'humour aussi. Tout le monde. Ouais. Oui. Que vous aviez rencontré comment initialement? Justement, par l'Union pacifiste. Ah d'accord. Oui. Il était un des premiers adhérents. Mm-hmm. L'Union pacifiste existe toujours, mais n'a pas plus de succès qu'autrefois, parce que maintenant l'armée. On n'en parle plus de l'armée, puisque c'est une armée de professionnels, on ne la voit plus. Et c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours un danger dans certains pays pour la démocratie. Et puis c'est une charge énorme. C'est le deuxième plus gros budget de la France, vous voyez. Et que quand on parle d'économie, personne ne dit qu'on pourrait réduire le budget de l'armée. Ça, personne n'y pense. Et pourtant, je ne vois pas. Les menaces, tellement les menaces de guerre. Il y a des menaces terroristes, d'accord, mais est-ce qu'il faut des avions, des porte-avions Moi, ça me semble toujours un gaspillage énorme, le budget militaire, dans tous les pays. L'armée, on l'a déjà dit, pas mal égratignée par vos dessins. Vous avez déjà eu 5 procès, je crois, avec l'armée, que vous avez tous perdu d'ailleurs. 6. Ah, j'ai oublié. 6 procès avec l'armée. Est-ce que justement les écolos, même si vous êtes de leur bord, ça c'est pas nouveau, vous les égratignez quand même un petit peu? Oui, surtout que. Vous arrivez à être objectif? Oui, je pense que. Ils sont pas bons parce qu'ils passent leur temps à. Avec des bisbilles intérieures, au lieu de parler de l'essentiel, c'est la planète, quoi. Et puis, je pense qu'ils avaient un bon porte-parole, et ils l'ont évincé, c'était Cohn-Bendit. Oui, je ne suis pas content après les Verts. Mais pourtant, je pense que ce sont les écolos qui ont raison. C'est les premiers à avoir parlé de démographie, qui est la menace la plus terrible, et du réchauffement de la planète. Bon, enfin, vous savez bien, je ne veux pas attrister l'émission. Comment ça se manifeste aujourd'hui, votre soutien à l'écologie? Bon, il y a toute la dénonciation par les dessins, soit, mais est-ce que vous avez des actions concrètes en termes d'écologie, à part prendre le métro, marcher à pied dans Paris, oui, et râler contre les 4x4? Pas avoir de voiture. C'est vrai que c'est uniquement à travers mes dessins que je peux militer. C'est vrai que j'ai jamais été un militant, sauf dans mes dessins. Chacun, c'est sinon que oui, je défile encore quand il y a une manif intéressante contre les centrales nucléaires, j'y vais. Mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est comme les grèves auxquelles on est habitué. C'est tellement répétitif que c'est un rituel qui ne veut plus dire grand-chose, qui énerve tout le monde et qui... Il faudrait trouver d'autres moyens d'action. Par exemple, les grèves, je pense que les gens pourraient voyager gratuitement et ça aurait beaucoup plus de succès et ça durerait moins longtemps parce que l'État perdrait de l'argent et ça s'arrêterait tout de suite. Et quelles solutions vous pourriez préconiser pour sensibiliser peut-être la jeunesse aussi ? Pas que la jeunesse, mais en tout cas les jeunes à l'écologie ? Que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau sensibiliser au développement durable ? C'est un peu désespérant parce que, regardez, pour les 4x4, on a beaucoup parlé ces dernières années. Et il n'y a jamais eu autant de 4x4 dans Paris. Je pense que le fait d'en parler a déclenché l'envie d'en acheter. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt d'un 4x4 dans Paris. Ben à la oui. campagne, je peux comprendre, mais dans Paris, quel est l'intérêt ? Moi non plus, mais... C'est la frime. C'est la frime et la sécurité, enfin les... Justement, je connais des dames qui disent « moi, je ne prends pas les transports en commun parce que j'ai peur ». Mais elles prennent leur 4x4 et elles sont obligées de se garer dans des parkings. Et là, on a la trouille dans les parkings. Donc, je ne comprends pas très bien. Cabu au gouvernement, à l'écologie, ça donnerait quoi ? Eh ben, déjà, tous les deux, ça c'est vous. Toi, Gênes, moi, Tarzan. Ah, c'est très saillant. Et concrètement, ça donnerait quoi, Cabu, au gouvernement, à l'écologie ? Alors, surtout pas au ministère de l'écologie. On a eu Roselyne Bachelot. c'était un gag, quoi, parce qu'elle était pour la chasse. Alors maintenant, on a une dame qui s'appelle Nelly Olin, qui est une... vous ne connaissez pas, hein ? Si. Si ? Ah. Vous l'avez interviewée ? Non. Mais... C'est une sénatrice. C'est une brave dame, mais je crois qu'elle n'y connaît rien du tout. Alors, bon. Et Cabu au gouvernement, je vais réussir à avoir ma réponse, ça donnerait quoi ? C'est bien beau de critiquer les autres. Un Premier ministre écolo, peut-être, oui. Parce que c'est la priorité. Ah, peut-être avant le chômage même. Mais justement, on pourrait créer des emplois comment on appelle ça, de proximité, partout, etc. Non, mais j'ai pas de recette magique. Mais d'abord, à mon avis, il faudrait arrêter le productivisme, vous voyez, de produire, créer toujours de nouveaux besoins, non, ça, c'est ce qui va nous conduire à notre perte. Bien, eh bien, nous attendrons votre discours de politique générale un autre jour. Oui. Merci beaucoup, Cabu. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Il s'agit bien de Charles Trenet. Nous allons parler de lui avec vous, Cabu. Vous lui vouez une véritable admiration. Ça tombe bien, moi aussi. Charles Trenet qui dit « Je fais des chansons comme un pommier fait des pommes ». Et des chansons comme ça et des pommes comme ça, il y en a eu plus de 950. Formidable. C'est quand même pas mal. Avec Revoir Paris, qui est peut-être une de vos préférées, puisque vous l'avez choisie pour entamer cette conversation. Comme. Je pense que tous les jours, on peut chanter une chanson de Trenet. Quand on revient de voyage, je chante toujours à voir Paris. C'est vraiment la chouchoute. Oui. Mais il y en a d'autres. Quand il pleut, on peut chanter « Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie ?» Oui. Quand il... je ne vais pas vous réciter tout le catalogue. Quand on va bien, il y a de la joie. Je suis content que... Vous m'avez dit que vous l'aviez vu quand vous aviez 14 ans. Oui, sur scène, oui. Sur scène. Ah. C'est... Il n'y en a pas beaucoup de votre génération qui ont vu traîner sur scène. Non. C'est bien. Elle était déjà plutôt jeune, mais avec une... Et vous en avez un bon souvenir. Excellent. Oui. Une très bonne énergie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet homme-là ? Il représente la joie de vivre. Et c'est, je pense, c'est une manière d'aborder la vie. Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés aussi. quand il a démarré en 1938, bon, aussitôt il y a eu la guerre. Bon, il a continué à chanter. Il a eu raison d'ailleurs, parce qu'il était. Plusieurs de ses chansons étaient reprises par la résistance. Et tout ce qu'on a dit sur lui, c'était pas vrai. Et. Ah bon, après, il a connu la vague yéyé, il a eu du mal. Il a été chanté à l'étranger. Mais il était à contre-emploi, à contre-époque surtout. Voilà, voilà. Et il est revenu parce qu'un jeune producteur canadien, Roson, l'a fait remonter sur scène, après qu'il n'ait pas été élu à l'Académie française, heureusement, sans ça, il ne serait pas remonté. Enfin, il a eu une carrière, contrairement à ce qu'on croit, assez difficile. En dents de scie, en fait. Oui. Mm. Et malgré tout, il a toujours chanté La joie de vivre, et dans la chanson, c'est tellement rare. Parce que tout ce qui plaît dans la chanson, et ce qui est plus facile, c'est le déprimisme. C'est comme dans le cinéma, d'ailleurs. Tout le cinéma français est plutôt déprimisme. Il y a très peu de comédies, de bonnes comédies, que je ne parle pas des... Mais c'est vrai que c'est plus difficile toujours de faire rire ou de sourire que de faire pleurer, quoi. Je pense ça. Vous l'avez connu comment, Charles Trenet ? Qui vous a initié Alors, c'est mystérieux, je ne sais pas. Je l'ai vu pour la première fois en 1954 à l'Olympia, avec ma grand-mère. C'est là. Et puis, j'ai toujours trouvé que ce type-là était unique dans la chanson, parce qu'il m'évoquait des tas d'images, peut-être de province, justement, et qu'il chantait tout ce qui était bon dans la vie. Donc, c'est son côté optimiste qui m'a toujours emballé. Je ne l'ai pas connu. Ah, vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, même. Mais je n'ai pas connu l'homme, quoi. Je l'ai rencontré après des récitals, parce que j'avais fait des dessins sur lui et il les avait demandés au journal. Mais, et puis c'était un peintre, donc c'est ça un peu qui... Vous aviez des choses à vous dire? Oui, oui, oui. Et de quoi vous l'avez rencontré dans sa loge, notamment une fois? Oui, alors je lui disais, mais... payez-vous un grand orchestre de jazz, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a démarré avec le jazz. Il a été accompagné dans plusieurs chansons par Django Reinhardt et Grappelli. Et ça s'est fait pour vous combler, parce que vous êtes un fanat de jazz aussi. Voilà. Il me disait, oui, mais non, avec un grand orchestre, on n'entend plus les paroles. Bon, on parlait de ça, on parlait du jazz. Il aimait Duke Ellington, par exemple, c'est ce qu'il préférait. C'est vrai qu'il avait raison. Vous aviez vu sa peinture? Oui, oui, oui. D'ailleurs, il a illustré quelques pochettes du temps où il y avait des pochettes de 45 tours. Oui, oui. C'était une peinture assez classique, mais ce n'était pas un mauvais peintre. Hein. Il peignait Font-Romeu et Collioure. Il y avait aussi de l'absurde et du surréalisme dans ses chansons. Je ne sais pas si ça ressortait dans la peinture, mais dans les chansons, ça aussi, ça a dû vous plaire, le côté un petit peu absurde. Oui, parce que voilà, c'est un type assez cultivé, contrairement à beaucoup de chanteurs actuels. Il a fréquenté Desnos, il a fréquenté Cocteau, il a fréquenté comment s'appelle-t-il, j'ai oublié le nom, mais plusieurs poètes d'avant la guerre. Donc, c'était vraiment un... Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'était spontané chez lui. C'est ça qui m'a... Je lui ai demandé souvent... Comment il écrivait, il m'assurait qu'il composait en même temps paroles et musique. Ah bon, c'est-à-dire qu'il était au piano et en même temps qu'il composait une mélodie, il mettait des paroles dessus. Alors on va écouter une dernière, et pas n'importe laquelle. C'est vous aussi qui l'avez choisi, c'est la dernière chanson. Voilà, c'était une chanson qui n'existe que sur un disque, qu'il avait créé à la fin d'un récital pour dire au revoir aux gens le soir. Et comme il est mort, on pense à ça. Au revoir, bonne nuit, que vos rêves soient choses légères. Et demain, chantez-les mes chansons, qu'elles gardent à foison la joie dans votre maison. C'est déjà l'heure de la dernière conversation avec mon invité, le dessinateur humoriste et satirique Cabu, qui persiste et qui persiste à vouloir me dessiner sur ces petites feuilles. Oui, oui. J'espère que vous n'allez pas répondre par un dessin à chacune de mes questions. Non, non. Ce sont des petites questions qui vont partir à droite, à gauche. Voilà, on verra le dessin à la fin de la conversation. Kabul, qu'est-ce que réussir sa vie pour vous ? Ah, ça commence dur. Hein. D'habitude, je commence léger, là, je me suis dit... Eh ben, c'est pas mourir jeune, hein, non ? C'est sûr. Non, c'est faire ce qu'on avait eu envie de faire quand on était ado, voilà. Et dans votre cas, c'est fait ? Oui. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis ? Les démons, j'ai pas beaucoup de démons, hein. Je suis assez raisonnable. Non, je sais pas, je joker. D'accord. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer ? Les gâteaux. Ah si, des très bons gâteaux. Ah ouais. Bien. Quelle a été la plus grande épreuve de votre vie ? Mon service militaire, en Algérie. En Algérie. Pendant la guerre d'Algérie. Avez-vous un mot préféré ? Charles Trenet. Ah. Oh. Que nous venons d'évoquer. Croyez-vous au hasard ? Bien sûr. Et aux rencontres et tout ça, oui. Mais... Et le plus beau hasard de votre vie, vous vous en souvenez ? Ah, je dirais, j'ai rencontré Véronique. Ah, votre compagne. Oui. Que nous saluons au passage. Avez-vous une devise ? Une devise ? Si je vous pose des questions trop dures, vous n'allez jamais avoir le temps de dessiner. Non, non, j'ai pas de devise, non, non, non. Vous avez le droit de ne pas avoir de devise. Ou une phrase qui vous parle plus que c'est la vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour. C'est de traîner encore. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ? Ou la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée au choix ? Alors là, c'est un souvenir d'adolescence aussi. Avec un copain, un gros Schmitt, on a fait le Paris-Strasbourg un jour. Enfin, on a traversé la ville de Chalon-sur-Marne, déguisé en marcheur du Paris-Strasbourg, à la marche, vous savez. Mais oui, très bien. Oui. L'épreuve la plus bête du monde. Et on a fait croire à toute une ville qu'on était les deux premiers marcheurs. Mais ça tenait... ça a marché parce que le père de Gros Schmitt était commissaire de police. Donc il était dans la combine, il nous a laissé faire. Autrement, on aurait été arrêté tout de suite. Et on voyait tous les gens aux fenêtres et en disant « C'est Gilbert Roger qui passe en tête cette année, Gilbert Roger. » Et c'est un copain, il faisait 117 kilos à l'époque. Il les fait toujours, d'ailleurs. Donc on a mystifié toute une ville. Et sûrement, je me suis posé des questions après. Comment peut-on mystifier toute une ville comme ça avec un simple canular ? Donc, le prolongement, c'est avec une mise en scène bien réglée, on peut faire des tas de choses. Avec un discours bien torché, on peut manipuler beaucoup de gens. C'est la manipulation, en fait, c'est ça. Quel talent aimeriez-vous avoir ? Jouer du piano ou de la batterie. J'ai un frère qui est batteur. Vous savez que Boulinski a répondu la même chose, c'est vrai, quand on l'a reçu. Jouer du piano, oui. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer ? Ah, oui. Si, j'admire des écrivains de droite, par exemple. Non. Paul Giraudoux. Mm-hmm. C'est pas Paul, c'est Jean. Jean Giraudoux. Oui, il écrit très bien. Et pourtant, oui. Mais ça m'arrive, hein, d'avoir des admirations décalées. Ben justement, en parlant d'admiration décalée, quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus ? Certainement Mendès France, que j'ai un peu connu quand j'étais au lycée. Mm-hmm. Et pour son intégrité, quoi, évidemment. Ça ne lui a pas réussi jusqu'au bout. C'est malheureux, quoi. Il aurait pu faire beaucoup de choses... Si la Quatrième République l'avait laissé faire. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait ? Que j'étais beau, non, c'est pas vrai. non, mais... Ensuite, Boulinski, que j'ai cité en début d'émission, était pas mal. Hein. Vous étiez l'un des meilleurs dessinateurs du monde. Oui, mais c'est un il copain, ça... Il me l'a confié après l'émission. Oui, mais ça compte pas. C'est un ami de 40 ans. D'accord. Si vous aviez été une femme, vous auriez voulu être qui ? Ah. Carrément, Brigitte Bardot, non, peut-être pas. Mais Brigitte Bardot, elle était belle. Hein. C'est tout ce qui compte. Non, mais oui, vous me demandez... oui, je pense à une actrice de cinéma. Alors, Brigitte Bardot, à 20 ans, qu'est-ce qu'elle était belle. Hein. Elle était bête, mais elle était belle. Hein. Allez, dernière question. La vie que vous menez est-elle bien celle que vous vouliez? Ah oui, oui. D'abord, vivre à Paris, ça a toujours été une envie quand même. Donc, je ne m'en lasse pas. On peut voir, vous laissez terminer... Ah oui. Alors là, c'est... Le dessin qui clôturera l'émission. Je suis encore la victime de ce dessin. Mais non, vous êtes le bourreau. C'est moi la victime. Ah d'accord, moi je suis le bourreau. Ah oui, ça y est. Alors, on va vous demander quelques secondes de patience. Vous me soumettez à la question. Oui. C'est l'Inquisition. Dieu sait si on vous a vu dans cette position à la télé, dans différentes émissions, en train de dessiner le plus vite possible. C'est parti. Voilà. Alors. Ça a été la torture, cette émission, Cabu? Non, c'était gentil. C'était très gentil. C'était gentil? Oui. Bon. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de venir. C'était Cabu sur KTO, c'était pas une évidence. Je vous remercie. Mais je remercie la dame du catéchisme. C'était un moment très, très agréable. Ben, j'espère qu'on vous aura découvert autrement que par vos dessins qui égratignent parfois les catholiques. En tout cas... Oui, on peut avoir plusieurs registres, vous savez. Je ne fais pas que ça. Hein. Je ne fais pas que des dessins anti-catho. Ah ben, on le sait, on vous connaît bien. Merci beaucoup et puis bonne continuation. J'espère. Hein. Et vous aussi. Hein. Merci. Au revoir, Cabu. Gamin, tu montes charbon sur du papier, dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles, pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs, puis taille la mine à ton crayon. Dis petit prince, t'y redessine-moi l'horizon. Des libertés qui font la vie de nos bistrots, des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, que c'est pas l'ignorance jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume, menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine, c'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine, c'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Si vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Si ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres pris sous les terreurs des fusillades, à